Nous qu'à travailler toute la semaine, pas ni temps pour nous, ouais, nous. Maman pour nous tchembe pour faire l'amour. Ni des jours je m'en carré, ni des jours moins qu'à planer. C'est là où tchembe moins caresse.